je cherche toujours à te connaître et ton silence trouble mon silence. Je ne sais pas d'où vient le mensonge. Est-ce de ta voix qui se tait? Les mondes où malgré moi je plonge sont comme un tunnel qui m'effraie. De ta distance à la mienne, et chercher à te comprendre, c'est courir après le vent. Je ne sais pas pourquoi je reste dans un air qui m'étouffera. Tu es le sang de ma blessure, tu es le feu de ma brûlure, tu es ma question sans réponse, mon cri muet.